Activité 3A. Écoutez et indiquez comment on prononce le E souligné dans les mots suivants. E comme Denise ou E comme Isabelle. Inscrivez votre réponse dans le tableau. 1. Descendre. 2. Desservir. 3. Dessous. 4. Dessus. 5. Dessin. 6. Dessert. 7. Devenir. 8. Destiné. 9. Dedans. 10. Dehors. 11. Depuis. 12. Dernier.